Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue de Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Vous êtes peut-être un peu froid, mais croyez-moi, ces deux heures de métal vont vous réchauffer le cœur et l'esprit, ainsi que le corps et puis les oreilles surtout. Je pense qu'une petite séance d'ORL demain sera nécessaire. Mais bon, ça, c'est le lot d'Electric Shock. Electric Shock, vous connaissez, ça fait 20 ans que ça vous grille les oreilles et les neurones. Mais bon, si vous êtes toujours là, ça prouve qu'il vous en reste encore un peu. Alors ce soir, je vous avais dit donc la semaine dernière que je devais avoir comme invité Arnaud Walden. Malheureusement, bon, apparemment un imprévu de dernière minute fait que il ne pourra pas être là ce soir. Bon, bah tant pis, peut-être une prochaine fois à suivre. Par contre, réjouissez-vous, je vais être en mesure de vous proposer la première partie de l'interview que j'ai eu la chance de faire, c'était le mois dernier à Paris, de Sortilège, puisque j'ai donc une petite interview exclusive de Zouille et d'Olivier Spitzer, donc je vais vous ramener, que je vous ai ramené. Donc on va commencer la diffusion tout à l'heure. Sinon, ce qui vous attend ce soir, eh bien, c'est des nouveautés qui seront normalement au nombre de 4, si je ne me trompe pas. Et puis bien sûr, des petites choses un peu plus anciennes, et puis des choses aussi par rapport à l'actualité. Et donc, petit survol donc sur tous les genres et sous-genres donc, qui composent notre style musical préféré. Vous connaissez l'émission, bien sûr, sinon vous ne seriez pas derrière votre transistor ou dans votre micro-ordinateur. Alors, on va commencer tout de suite avec une des nouveautés de la semaine. On va se le faire très bluesy avec le nouvel album de Slash, son 6e en tant que tel. Mais un album un peu particulier, vous savez que l'année dernière... pas son 6e album, qu'est-ce que je raconte comme connerie, avec un nouveau live qui est sorti en CD, DVD, qui est en réponse à son album sorti l'année dernière, donc qui était des reprises qui s'appelait Orgy of the Damned, qui était des reprises de blues, où il a voulu se faire plaisir, où il était accompagné de pas mal de ses potes, entre autres, quand on s'appelle Slash, je pense que c'est pas difficile, quand on décroche son téléphone, d'avoir des gens comme Chris Robinson, Billy Gibbons, Iggy Pop, Paul Rogers, Brian Johnson, Steven Tyler, Beth Hart, Demi Lovato, et j'en passe, bien sûr. Et donc, après, pour se faire plaisir, il a fait quelques concerts, dont un à Denver, le 17 juillet 2024, où il en a profité pour l'enregistrer et le filmer. Donc, ce soir, on va se faire donc deux petits classiques de ce live at the Serpent Festival, qui est sorti il y a à peine un mois de ça. Tout d'abord, un classique du blues, Parchment Farm Blues. Je vous dis, on commence très cool cette semaine. Denver! Here's a blues band that needs no introduction! But they're gonna get one anyway! So please welcome Slash's Blues Ball! Gonna eat my

indémodable ce style, ça dans 100 ans on écoutera encore Pure Blues, donc Slash avec ses reprises à Killing Floor et Parchment Farm Blues, donc tous deux extraits de son CD DVD live at the Serpent Festival, sorti il y a de ça, oui, à peine un mois déjà. Et première nouveauté pour la soirée. Eh bien, si vous êtes fan de métal de groupe français, ben je pense que vous êtes très fiers de la réussite de Gojira. Il faut dire que Gojira, c'est bientôt quand même presque 30 ans d'existence. C'est quand même 7 albums studio. Un passage plus que remarqué à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques l'été dernier, où vraiment je pense que tout le grand public là, a découvert ce groupe dont il devait certainement ignorer l'existence. Et là, une tournée pour promouvoir leur dernier album, enfin qui date comme de 2021, leur 7e Fortitude. De 13 dates en France et excusez du peu quand même dans la plupart des grandes salles, c'est quand même les Zéniths. Et ainsi qu'à Paris, c'est carrément l'Accor Arena que Gojira va jouer en tête d'affiche, s'il vous plaît. Je pense que, ouais, bravo. Quoi qu'on pense du groupe, moi je sais que personnellement je n'accroche pas à tout, loin de là, mais dès le départ, quand j'ai entendu ça, ce groupe-là a tout ce qu'il faut. Ils sont originaux, ils ont un style qui leur est propre. Ça, c'est important. Et la preuve, leur succès est vraiment mérité. Bah tiens, si ça vous donne envie, alors je sais qu'il reste encore des places pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. On va se faire un petit extrait de Fortitude et on va écouter Newfound. Gojira avec un extrait du dernier album Fortitude sorti en 2021. Et oui, je crois qu'ils sont en train de plancher sur un nouvel album. En attendant, ils seront en concert partout en France pour une tournée qui commence vendredi pour 13 dates et dont de dimanche, ils seront à l'Accord Arena de ce qu'on appelait anciennement Paris-Bercy en tête d'affiche. Excusez du peu. Restons avec une légende du métal français puisque comme je vous le disais au tout début d'émission, j'ai eu la chance, donc c'était le mois dernier, le lendemain du concert donc d'Halloween, donc le 23 octobre, de pouvoir faire une petite interview avec Zouille et Olivier Spitzer de Sortilège, pour nous, qui nous parlent entre autres de leur dernier album, Le Poids de l'âme, qui est sorti vendredi et que peut-être certains d'entre vous ont déjà écouté. Moi, je ne l'ai que depuis hier, donc je suis en pleine découverte, des raisons pour lesquelles ce n'est pas une des nouveautés de ce soir. Enfin, en attendant, on va discuter avec eux. Savoir un petit peu leur ressenti de tout ça. Je vous laisse en leur compagnie. Je suis en compagnie de des éditeurs de jeunesse de Sortilège, à nouveau Christian, Sa Majesté Augustin, et Sa Majesté Miss Olivier Spitzer, à nouveau. Alors, on s'était vu l'année dernière lors du Creepfest, vous étiez en pleine promo de la tournée Apocalypso. Maintenant, elle s'est terminée, on peut dire que c'était un succès. Ah ouais, je pense, on n'a pas honte de dire que c'est un succès. Oui, absolument. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens qui étaient peut-être un peu sceptiques, moi j'avoue le premier, lors de la formation, ont dû se dire, bon, je crois que là maintenant, c'est sur des bons rails, c'est parti pour durer. Alors, évidemment, cette tournée, ce succès, il y a eu la tragédie avec le décès de Bruno, que on ne s'y attendait pas vraiment. On pensait plutôt bon, qu'il allait s'en sortir quelque part. Et est-ce que ça a chamboulé l'élaboration du nouvel album? Oui, dans le sens que tu penses bien que ça a fait beaucoup, ça a bouleversé, et ça a mis des freins aussi à la créativité, enfin, en ce qui me concerne, un manque de motivation, évidemment, tu sais, quand tu t'en as un truc comme ça, t'as plus envie d'y aller. Voilà. Et heureusement que Bruno, à l'hôpital, nous avait dit qu'il fallait qu'on continue quoi qu'il arrive. Donc ça nous a permis de... Et puis ça nous a boosté après, justement, pour lui rendre hommage. Ça nous a boosté pour continuer le travail et le finir dès que possible. C'est ce qu'on a fait. Tous les deux, on a relevé les manches et on s'est défoncé pour la mémoire de Bruno. Est-ce qu'on retrouve, sur cet album, quelques traces des solos Les morceaux? Non, pas rien. Non, après un de ces morceaux qu'on a finalisé, qui s'appelle Le Monde de l'oubli, qui clôture sur l'album, c'est le seul, c'est la seule grosse input de Bruno sur cet album. Ok, donc c'est Michael qui au départ ne devait faire qu'un intérim? Non, c'était pas prévu d'intérim. Parce que Michael, on était transparent, si jamais Bruno s'en sortait, on aurait pris trois guitaristes. Ah d'accord, carrément. Carrément. Parce que on voulait pas que Michael soit un bouche-trou et que l'idée éventuelle en cas de rémission de Bruno et puisse revenir, c'était un sentiment d'espoir pour tout le monde. Bien sûr, oui. Cassé. Mais ça ne nous a pas empêché de pas dire à Michael que c'était juste un intérimaire, pour résumer. Maintenant que Michael remplace Bruno, comment est-ce qu'il a appréhendé les parties de guitare, par exemple, sur les anciens morceaux? Est-ce que c'est très, très difficile, techniquement. C'est un grand professionnel, donc il a appris note pour note. Ce sont beaucoup de parties de guitare issues de Stéphane Dumont, qui avaient été revues et corrigées par Bruno. Et réacclimaté par Michael. Donc c'est un travail de fourmi. Ça s'est fait naturellement, mais ça va se faire quand même dans le gré des différents concerts qu'on va faire, parce qu'entre le fait d'être théorique et d'apprendre des parties et d'être en fusion avec le reste du groupe, ça va se faire dans les suites des concerts qu'on va faire. Bien sûr. Alors ce nouvel album qui s'appelle Le Poids de l'âme, est-ce que c'est quelque part un concept ou c'est juste une chanson parmi tant d'autres? C'est une chanson, c'est normal parce que tout le monde me pose la question. Parce que ça appelle les deux. Ça, c'est ouais, mais quelque part, même si c'est pas voulu. Il n'y a pas véritablement de ligne, tu vois. C'est probablement que dans ma tête, pour les textes, ça tourne toujours autour des mêmes choses. C'est peut-être ça qui peut faire paraître un concept. Mais non, pas du tout. Les textes sont venus en fonction de ce qu'a proposé Olivier comme musique, donc l'inspiration est venue à ce moment-là. Et puis, après, c'est mes filtres à moi, donc fatalement, on retrouve toujours plus ou moins une essence. Voilà. Mais un concept, non. Pour moi, un vrai concept, c'est l'histoire globale dans laquelle tu vas contre le poids de l'âme de Bruno au sein de Jean Ledoux. C'est ce qui était sous-entendu dans le titre aussi. Non, non, mais c'est corrélatif. Maintenant qu'on en reparle, au gré des interviews, ça nous plaît bien de s'accrocher à cette idée-là, qui est une réalité. Et justement, Christian, le fait déjà, avant même de savoir que Bruno est malheureusement décédé, est-ce que ça a influé, savoir qu'il était malade, quand même, ça a influé sur tes textes, sur certaines choses, non? Non, non, non, non. Je peux pas dire abstraction. Oui. Oui, parce que, tu vois, j'aurais pu faire un texte rétrospectif de l'album d'Apocalypso, hein, la balade d'Apocalypso, hein, qui s'appelle Encore un jour, qui parle justement de la perte d'un être cher, et pour lequel il y a une prière qui est adressée au Dieu pour laisser en vie encore. Tu vois, ça aurait été plutôt ça, mais c'était malheureusement prémonitoire, quoi, tu vois, 2 ans avant de faire ce genre de chanson. Et y a-t-il de grandes différences entre Apocalypso et Le poids de l'âme? Il y a pas un auditeur qui est venu à l'album, est-ce qu'il sera surpris ou est-ce qu'il se dira c'est la continuité? Alors, je vais être très franc, Olivier m'a envoyé le lien, mais je n'ai pas eu le temps de l'album. Le seul morceau que je connais, c'est Médusa, que j'ai apprécié. Justement, j'ai trouvé que c'était différent d'habitude. Il y a beaucoup de surprises dans les albums. Tu verras, quand tu écouteras, tu pourras être un peu plus aventurier que le précédent album. Enfin, déjà, le précédent album avait été une agréable surprise parce que j'ai trouvé que c'était un juste mélange entre le sortilège qu'on avait laissé en 86 et ce que ça peut être maintenant. Enfin, tu verras sur le prochain, c'est encore plus flagrant. Peut-être que c'est le fait aussi maintenant d'avoir été ensemble toutes ces années, de vous connaître mieux, aussi bien humainement que musicalement. Oui, et puis le fait de se dire que maintenant, bon, ça y est, on a fait nos preuves, donc maintenant on peut continuer à progresser dans une voie qui aurait pu au départ nous faire un peu peur. Maintenant on y va carrément. Voilà, et puis je pense que tu le suivras, parce que d'après tous les retours qu'on a, c'est quand même assez étonnant de voir, c'est toujours les mêmes morceaux qui reviennent. C'est vraiment bon. De toute façon, je crois qu'Apocalypso vous a vraiment emmené sur les rails. Oui, définitivement. Voilà. Et tout le monde se creuse ça avec quand même. Oui. Voilà, une petite question qui va peut-être te faire un petit peu grincer les dents. Il y a quelques mois, j'ai vu un official bootleg de Sortilège dans les packs. Donc j'imagine que tu n'es pas l'origine initiative de ça. Non, du tout. Du tout. En plus, d'après ce que j'ai compris, le son est vraiment pourri. Je vois pas trop l'intérêt d'acheter ça, si ce n'est que pour remplir les tocs, remplir les caisses des gens. Voilà. Je dirais pas le nom, mais attention. Je dois avouer que vous. T'as écouté, non? J'ai craqué, d'ailleurs. Ah! Alors, c'est vrai que le son est vraiment très moyen, mais quand même, quel document, quoi. Oui, mais quand on est fan, c'est une qualité historique. Voilà. Voilà. Il y a un petit sticker dessus qui le marquait bien déjà avant de l'acheter. Oui, mais tu peux l'acheter quand même. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je sais que je collectionne beaucoup de bootlegs. Et des fois, il y a le son. Mais on se dit, c'était le concert où on était, ou il n'y a pas de live de cette tournée-là, enfin, quelque chose comme ça. Quoi. Ouais, moi, je pense différemment. Pour moi, s'il n'y a pas la qualité, je n'ai pas l'intérêt. C'est autre chose. Après, voilà, c'est chacun est différent. Voilà, ben on va arrêter là pour ce soir. Vous aurez donc la suite la semaine prochaine avec les sympathiques Zouille et Olivier de Sortilège. Et puis en même temps, il y aura le nouvel album qui sera une des nouveautés. Voilà, donc vous avez un petit scoop pour la semaine prochaine. Et ben maintenant, tiens, si on se mettait un petit peu de black metal. Et ben tiens, revenons aux locaux des Bâtards du Roi avec leur deuxième album, Les Chemins de l'Exil. Et laissons-les nous raconter l'histoire du chevalier au corbeau. Vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, c'est bien Electric Shock, l'émission qui grille les neurones. Et bien là, on s'en est grillé quelques-uns. Electric Shock, donc comme je vous disais, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Là, on s'en est grillé avec du pur black metal de Lyon, avec le nouvel album de Malpeste, Ex Nihilo, et c'était Stupor. Ils sont de chez nous puisqu'ils sont orléanais, c'était donc Les Bâtards du Roi avant avec leur deuxième album Les Chemins de l'Exil, et on s'est écouté donc Le Chevalier au Corbeau. Maintenant, allons faire un petit tour dans le sud de la France, dans le Gard, plus exactement vers Alès, et allons retrouver le groupe Fury Road qui nous propose du rock'n'roll vraiment décomplexé, d'ailleurs comme celle dit derrière, pour les fans de Jack White, The Black Keys and The Rolling Stones, bah c'est tout à fait ça. Et ça, tout ça fait sa place dans Electric Shock. Donc, extrait de cet album qui porte le nom du groupe, qui est leur premier. On va écouter Let the Rock Come Back, comme s'il était parti un jour. Take my teddy, yeah. Let it rock on back. bien rock'n'roll tout ça. Donc les Hommes Crabes avec leur premier album Galax 51, groupe qui vient de Nantes, et c'était donc Mayonnaise B. Juste avant, c'était donc Fury Road, un groupe qui nous vient d'Alès, avec le morceau Let the Rock Come Back, extrait donc de leur premier album, sorti il y a très peu de temps, et qui était une des nouveautés de la semaine dernière. Tiens, à propos de nouveautés, on va se faire la deuxième avec un tribute, un album qui est consacré donc à la fabuleuse album, un tribute à Kill 'Em All de Metallica, qui s'appelle, ce tribute s'appelle No Life Till Leather, a tribute to Metallica's Kill 'Em All. Alors vous savez, ces tributes, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, il y a une dizaine d'années de ça, on en était abreuvé partout. Il y avait des labels qui sortaient plein donc de tributes toujours consacrés toujours au même groupe, hein, c'est-à-dire Iron Maiden, Motorhead, AC/DC, Judas Priest, Scorpion, etc., etc. La plupart étaient d'un intérêt plutôt limité. On était toujours attirés parce qu'il y avait quand même toujours du beau monde, des vieilles gloires du rock et du hard rock qui cachetonnaient, hein, bah, il faut bien le dire, pour des résultats souvent un peu décevants. Quand on voyait le line-up, on disait « Oh putain, ce morceau-là repris par machin et machin, ça va être donné du tonnerre ». Et en fin de compte, on avait souvent une reprise très académique, sans grand intérêt, et on repartait souvent déçu. Bon, c'est pas le cas de tous les tributes quand même. Enfin, et celui-ci est un petit peu particulier. Parce que bon, déjà c'est tout l'album qui est repris dans l'ordre, mais c'est repris pour la plupart par des groupes qui ont influencé Metallica. Oui, parce que souvent, justement, quand on fait un tribute, c'est les petits jeunes qui pour montrer leur admiration pour les artistes qui les ont influencés et qui leur ont donné envie de faire ça, c'est une façon de payer le tribut quelque part. Et là, non, c'est plutôt l'inverse, parce que quand même, dans les gens qui assurent ce tribute, on y trouve Motorhead. Pas dire le contraire. S'il n'y avait pas eu Motorhead, je sais pas si Metallica aurait sonné comme ça. Saxon, Raven, dont le groupe Metallica avait fait la première partie sur la tournée américaine à l'époque. Diamondhead, quand on sait l'amour que porte à ce groupe Lars Ulrich. Et puis des groupes un petit peu plus récents comme Soen. Ça, par contre, oui, c'est un petit. Et aussi des contemporains comme The Almighty et Testament, et j'en passe. Et aussi un petit jeune groupe anglais, Tel Gunner. Bon, par contre, c'est pas la reprise la plus originale. Et pour ce soir, je nous ai choisi une reprise de Jump in the Fire, qui n'est pas le morceau le plus représentatif de l'album et pas non plus mon préféré. Mais Tigers of Pantang s'y colle. Et croyez-moi, ça le fait vraiment. Et on croirait vraiment que c'est un morceau que le groupe aurait pu écrire à l'époque. Et je préfère même la version par Tigers of Pantang que la version originale. C'est pour vous dire. Alors ça donne quoi? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Vétéran de la scène métal francilienne, Cobb et son nouvel album When the X's Fall, c'était tout simplement le titre qui a donné son titre à l'album. Juste avant la deuxième nouveauté de la soirée, le tribute à Metallica, No Life Till Leather, tribute Metallica, Skill 'Em All. On a eu Jump in the Fire, donc repris par, pareil, d'autres vétérans aussi de la scène britannique, des pionniers de la New Wave of British Heavy Metal, puisque c'était Tigers of Pantang qui s'y collait. Eh bien, on va se faire encore une nouveauté, la troisième de la soirée, avec le nouvel album de Testament, leur 14e, qui s'appelle Parabellum, qui est sorti il y a de ça, ouais, bientôt un mois, et qui est vraiment une tuerie, porte vraiment bien son nom. Alors Testament, c'est vrai que moi, pour ma part, je suis passé un petit peu à côté. C'est vrai que je trouve qu'il y a des bonnes choses sur certains albums, mais voilà, sans plus que ça. Mais il faut dire que leur prestation l'année dernière, en première partie, enfin première partie de luxe de Creator Testament, plus les deux titres qui nous avaient mis avant le nouvel album, m'avaient bien mis l'appétit. Et je dois avouer que ce Parabellum ne m'a pas déçu du tout. Il y a plein de bonnes choses, du rentre dedans. Il y a des morceaux, on dirait quasiment du black metal, n'est pas loin du death metal mélodique par moment, des morceaux beaucoup plus heavy. Il y a même une balade à la Fade to Black. Enfin bref, c'est du très très bon. Et si vous aimez aussi du metal moderne, eh bien sur ce High Noon, Testament montre qu'il n'a rien à envier au meilleur du genre. Vous en voulez? Eh bien c'est parti! High Noon, death soon! Yeah. Pour bien commencer la deuxième heure d'Electric Shock, ben je pense que ça l'a fait. Lamb of God avec Desolation, qui est extrait de leur album Resolution, sorti en 2012. Et plus récent, puisque sorti, là, il y a à peu près un mois, à tout casser, le nouvel album de Testament, Parabellum, et c'était High Noon qu'on a eu ce soir. Et maintenant, tiens, si je vous emmenais faire un petit tour au Mexique, retrouver les sœurs Villarreal. Les sœurs Villarreal, donc, qui composent le groupe The Warning. Et on va, tiens, on va revenir à leur premier double album live qui s'appelle En Vivo Desde el Auditorio Nacional. Excusez-moi encore pour la prononciation parce que mon espagnol, ça remonte, oh oui, il y a très longtemps, au siècle dernier. Et on va se faire les deux petits brûlots. Tout d'abord, Burn Out. Your ambitions and all of that decisions. Sharks et Burnout, donc deux extraits du live En Vivo d'SDL Auditorio Nacional de The Warning. Et The Warning qui avait fait sensation au Hellfest. Et je crois que d'ailleurs, leur prestation filmée a été une des plus grosses diffusions en termes de streaming en ce qui concerne de tous les groupes. Je crois que c'est. Ils sont dans le top 3. Excusez du peu. Donc je pense que, vu leur jeune âge, l'avenir leur appartient, c'est clair. Eh bien, on va se faire la quatrième et la dernière nouveauté de la soirée avec un vétéran qui, lui aussi, tire sa révérence et on peut dire qu'il a quand même beaucoup donné pour le rock et on peut lui dire un grand merci. C'est Sammy Hagar. Sammy Hagar, donc, a décidé de prendre sa retraite. Enfin, même si de temps en temps, il a dit « ça ne l'empêchera pas de refaire quelques concerts par-ci, par-là ». Donc, du coup, il a décidé de faire quelques concerts à Las Vegas lors d'une résidence avec un groupe vraiment hors pair, puisqu'on y trouve quand même Michael Anthony, son ancien comparse de Van Halen, Joe Satriani, Kenny Aronoff et Ray Tisselwaitel au clavier. Et donc, c'était l'année... Non, ça a été cet été, là, entre le 30 avril et le 17 mai, voilà, donc une résidence, où donc Sammy Hagar faisait un petit peu un récapitulatif de toute sa carrière, donc des morceaux de Montrose, des morceaux à lui, et bien sûr, de Van Halen. Il faut dire qu'avec une équipe comme ça, ça ne peut que bien donner, et que il a peut-être décidé de prendre sa retraite, mais il a encore du coffre le bougre, comme vous allez pouvoir le constater sur... ce Humans Being. Humans Being, à l'origine, c'était un morceau que Van Halen avait composé pour le film Twister en 96, et qu'on peut trouver maintenant sur l'édition de luxe de Balance et qu'on va découvrir tout de suite maintenant. Donc Sammy Hagar and the Best of All Worlds Band, titre prétentieux, mais quand on voit les musicaux ce qu'il y a avec, bah ouais, ça le vaut bien. From a movie called Twister. Yeah, just enough. Right Now, repris donc par Sammy Hagar and the Best of All Worlds Band, the Best of All Worlds Band, qui comprend Joe Satriani en guise de Van Halen, ça le fait hein, quand même. Donc on a eu Right Now et Human Being, donc tous deux extraits de The Residency, enregistrés à Las Vegas au printemps dernier, de ce qui doit être normalement les concerts d'adieu de sa légende Sammy Hagar. Bon, à suivre. Eh bien maintenant, lui, par contre, la retraite n'est pas encore pour tout de suite, puisque c'est un tout jeune qui débarque. C'est le Croate Jelusi qui fait maintenant parler de lui vraiment dans le plus grand bien. Principalement parce qu'il a été la doublure vocale de David Coverdale sur les derniers concerts. Et par contre, c'est vrai que quand on l'entend chanter sur certains morceaux de son dernier album, comme d'Apocalyptical Ecstasy, comme ce Four Seasons, on comprend d'ailleurs justement pourquoi l'ancien chanteur de Deep Purple l'avait choisi pour pallier à ses carences vocales. Eh bien, on s'écoute Four Seasons. Et on attaque bientôt la dernière demi-heure d'Electric Shock. Donc, je vous rappelle qu'Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h pour le dégraissage auditif. Ça, c'était Whitesnake, vous avez reconnu, je pense, la voix de David Coverdale avec When I Think of You, Color Me Blue. C'était extrait de son dernier album, qui sera, je pense, vraiment le dernier. Flesh and Blood, sorti en 2019, puisque maintenant l'ami Coverdale a annoncé sa retraite. Ce qu'on peut espérer, c'est que ses ennuis de santé ne soient pas trop graves. C'est tout. Juste avant, Jelousy, qui s'était fait connaître justement parce qu'il était la doublure vocale du sieur Coverdale, mais qui vole maintenant de ses propres ailes, à l'instar de ce Apocalyptic Call Ecstasy, qui est donc son dernier album, et on s'était écouté Four Seasons. Et bien maintenant, revenons sur un des albums de Heavy Epic qui fait beaucoup parler de lui, c'est le nouveau Wings of Steel, dont on vous a déjà passé quelques extraits, ce fameux Winds of Time, qui est vraiment une pure merveille. À ne pas douter, si ce groupe avait existé dans les années 80, en ce moment, il n'aurait déjà vendu, je pense, au moins 1 ou 2 millions d'exemplaires. On va se faire un morceau très épique qui s'appelle Flight of the Eagle.

superbe morceau que ce Flight of the Eagle, extrait de Wings of Time, le dernier album de Wings of Steel, un groupe que je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler dans les années qui vont suivre. Et bah tiens, maintenant, allons faire un petit tour du côté de Montbéliard, retrouver les Furies de les Fallen Lilies avec leur album Cran. Et on va nous parler de ce qu'on appelle le body shaming avec Basic Body Shaming. Yeah. Quelle sacrée revanche! Eh bien, ça, c'est un classique du groupe OTH. C'était les Burning Heads qui s'en chargeaient sur leur album Under the Influence, sorti en 2020, où il y avait que des reprises avec des chanteurs différents, puisqu'à l'époque, ils étaient en transition, puisque Pierre était parti et Fry n'était pas encore arrivé. Et là, c'était Watty des Lions Law qui s'en chargeait. Et avant, c'était donc les Furies de Fallen Lilies avec leur deuxième album Cran. Et on a eu Basic Body Shaming. Maintenant, allons faire un tour en Angleterre, retrouver les Heavy Pettin, groupe phare de la New Wave of British Heavy Metal, qui est revenu, sont revenus après des décennies d'absence et un nouvel album Rock Generation. Et écoutons-nous Mother Earth. Waves and thunder rolling across the land. Les vétérans britanniques de Desolation Angels avec un extrait de leur album King sorti en 2018. C'était Doomsday de Desolation Angels qu'on avait eu la chance d'aller voir à Orléans à l'époque au Blue Devils qui maintenant s'appelle le Dropkick. Et voilà, donc c'était donc le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour d'autres surprises, bien sûr. Mais restez branchés sur Radio Arc-en-Ciel car la musique continue. Amis Nightclubbers, voici Electro Live avec l'ami Christophe maintenant. Je ne sais pas ce que vous a préparé ce soir, on va voir ça avec lui. Salut, salut. Salut, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, cette house, la bonne vieille house. Voilà. Yes. Et ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste comme à faire. C'est de rester branchés sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et voilà, de continuer à écouter de la musique avec Electro Live maintenant. Moi, je vous laisse. Ah, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous. Ah, on a un souci. Eh oui, c'est les inconvénients du live. Je ne sais pas ce qui se passe, mais... Eh oui, comme vous pouvez le constater en direct...